tort, jusqu'à l'absence, jusqu'au dernier accord. Peupler le ciel d'un moindre mépris, je m'invente des fables ou des conneries. On comble le vide, des raccrocs en saccade, des mirages en décor, des petits imparables de reprise offshore. Charge de vie, laisse de tort, jusqu'à l'absence, jusqu'au dernier accord. L'on se soucie ni tes remords, de l'ignorance, notre dernier accord. J'aime le mépris, quand meurt l'espoir, à terre je suffoque. Toutes ces fleurs que l'on respire,